Christmas. Studek Web. Studek Web, il est 16h. Studek Web, les infos. Le point sur l'actualité avec Anthony Kaczmarek. Bonjour Anthony. Bonjour Corentin, bonjour à tous. 720 personnes sont mobilisées pour retrouver le suspect de l'attentat de Strasbourg. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devant l'Assemblée nationale. Le ministre a également précisé après une minute de silence que la sécurité avait été renforcée sur tous les marchés de Noël en France. Dans son périple meurtrier, trois personnes, des citoyens, ont tenté d'interpeller l'assaillant et l'une d'entre elles a été blessée à coups de couteau. Ce matin, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a précisé que des témoins avaient rapporté aux enquêteurs avoir entendu le suspect crier « Allahu Akbar » avant de perpétrer ses actes. Shérif C, c'est le nom du suspect, 29 ans, né et résident à Strasbourg, est toujours en fuite depuis hier soir 20h. Fiché S, son casier judiciaire comporte 27 condamnations pour des faits de droit commun, commis en France mais aussi en Allemagne. Il avait été condamné pour la première fois dès l'âge de 13 ans. Ses parents et ses deux frères ont été placés en garde à vue. Le bilan toujours provisoire de l'attaque fait état de 2 morts, une victime en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 7 en état d'urgence absolue. Le suspect avait ouvert le feu hier soir avec une arme de poing dans plusieurs rues du centre historique de Strasbourg et à quelques mètres du célèbre marché de Noël. Blessé au bras par des militaires, l'homme a ensuite braqué un chauffeur de taxi qui l'a conduit dans le quartier du Neudorf où il a échangé des coups de feu avec les policiers. Le marché de Noël de Strasbourg est resté fermé aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, une grève totale des avocats aujourd'hui pour une journée justice morte. Ils protestent contre la réforme de la justice portée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ils dénoncent un projet déshumanisant pour les mineurs ainsi que la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. La mobilisation est massive, notamment à Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore à Valence. Enfin, à Londres, Theresa May est sur la sellette. Elle affrontera ce soir un vote de défiance organisé par son parti conservateur, dont certains membres s'opposent à l'accord sur le Brexit. Selon un décompte de la BBC, la première ministre britannique pourrait être gagnante et dans ce contexte, la livre monte face à l'euro et au dollar. Theresa May a précisé que les dirigeants européens étaient prêts à trouver un compromis sur la question de la frontière nord-irlandaise. Un coup d'œil rapide sur la météo pour cet après-midi. Le temps est plutôt ensoleillé dans l'ouest. Des nuages peuvent aussi lâcher quelques averses sur le Grand Est. Les températures sont en baisse, souvent comprises entre 3 et 5 degrés. Il fait 5 à 10 près de l'Atlantique et 10 à 14 près de la Méditerranée. Tout de suite, place à l'heure média sur Studek Web avec Corentin Magnier. Merci Anthony. Prochain point sur l'info à 16h20. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h-17h. Radio Ganaswinda, bonjour. Corentin. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Valentin. Il y avait quoi d'autre comme rêve fou? Il y avait vous. Et... tout nu. Pauline. C'est une plaisanterie. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studek Web. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Corentin sur Studek Web. Vous êtes dans l'heure média, mercredi, le plus dur de la semaine est fait, et... je pense que, voilà, avec Studek Web, on va faire en sorte que la fin de la semaine se passe encore mieux. Aujourd'hui, je ne peux pas passer à travers ça. Toute l'équipe conjugue leurs pensées pour nos amis strasbourgeois qui ont été frappés hier par la cruauté humaine. L'équipe se joint à moi et vous apporte votre soutien, notre soutien à cet événement tragique qui vous rendra plus fort. Dans l'équipe, vous commencez à avoir l'habitude, il y a Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mercredi, tu vas nous parler cinéma avec la sortie de Spider-Man. Exactement, oui, très attendu. Spider-Man, pourquoi très attendu? New Generation, parce que c'est un Spider-Man nouveau, on va dire, mais je vais vous en parler plus tard, donc on va garder le suspense. Exactement, ça c'est du teasing. Et Valentin complète le trio de l'heure média. Bonjour Valentin. Exactement, salut Corentin, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est fête. C'est fête avec... 6. Exactement, avec Patrick Sébastien et les années bonheur. Eh ben, on voit ça tout à l'heure à 16h25. Dans ces eaux-là, ouais. À peu près à 16h25, c'est parti. Pendant une heure, nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité média. On décortique, on passe en revue la télé, la radio, Internet, pour que vous puissiez être le mieux informé. Vous écoutez l'heure média, surtout des Studek Web, bienvenue. Réagissez à l'émission sur la page Facebook, hashtag l'heure média. Mais là, les gars, je voulais vous dire, on commence très mal. Hein. Pourquoi ? Dis-nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête et personne ne m'a envoyé de message, de SMS. Pour dire bonne fête à Corentin. C'est la fête à Corentin. Bah oui, la fête de Corentin. De Corentin, oui. Voilà. Et bon, bonne fête à tous les Corentins et les Chantal aussi, d'ailleurs, qui nous écoutent. Bonne fête à vous. Par contre, vous avez tout oublié. Ah, la transition est super bien faite, puisqu'on commence 7h avec le titre d'Angèle en featuring avec son frère, Romeo Elvis, tout oublié sur Studek Web. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué à ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Les avis s'opposent dans le d'accord pas d'accord sur Studek Web. Le salon de la radio se tiendra une nouvelle fois à Paris dans le hall de la Villette du 24 au 26 janvier prochain. Mm-hmm. On écoute le président du salon, Philippe Chapeau. C'est un challenge dans la lettre de la radio, la lettre pro de la radio, de mélanger tous les métiers. Mm-hmm. Parce que c'est pas évident. Mais en même temps, les métiers, on le voit là avec la technique que vous avez installée. On est obligé de s'y intéresser quand on est animateur à la technique, parce que si on s'y intéresse pas, et ben on va peut-être pas travailler de la même manière. Aujourd'hui il y a les caméras, des fois il faut les regarder quand on parle aux auditeurs. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est important de pouvoir être proche des techniciens. Les animateurs parlaient jamais aux techniciens avant. Donc le salon au cœur du débat aujourd'hui, est-il encore légitime pour les non-initiés? Je parle des non-professionnels de la radio en fait. Oui. Le salon qui parle à tout le monde, qui dure du 24 au 26 janvier prochain, est-il encore légitime? A-t-il encore sa place pour une personne qui écoute la radio, fan de radio, mais qui n'y travaille pas? Pour moi, oui, carrément. Ouais. Parce qu'il y a quand même 6800 professionnels présents. C'est l'année dernière, en 2018, c'est plus de 1000 par rapport à 2017. Tous les ans, ça augmente. Donc ça prouve que c'est une belle vitrine aussi, rien que pour augmenter son carnet de contact. Tout simplement. Tout simplement. Mais en tant que. Justement, on parlait des non-professionnels. Donc, dans le cas, justement, pour augmenter ses contacts dans. Pour monsieur tout le monde. Voilà, pour monsieur tout le monde qui est fan de radio. Après, il a moyen aussi de rencontrer plein de vedettes de la radio. Il y a des masterclass. Il y a des débats. On peut répondre aux questions. Exactement. Ça a été créé en 2002. Donc, c'est assez récent au final. C'est assez récent, oui. Au final, en fait, la radio, tout simplement. Ça a été, c'est un événement pour le milieu de la radio, mais quelqu'un qui justement n'est pas de la radio, est-ce qu'il s'y retrouve? Je pense pas justement. Ouais. Je pense que c'est justement trop restreint à la radio et aux médias en général, et quelqu'un qui viendrait en tant que fan de la radio ne se retrouverait pas dedans, en fait. On retrouverait plus de techniques, finalement, radio que de savoir. Que moi, de j'ai paroles. Pas trouvé quand je m'y suis promené. J'ai... Ouais, tu avais été quand, toi? Bah, l'année dernière. Ouais. Tu étais fan, justement, de ce milieu-là. Donc, tu avais quand même un pied dedans. Voilà, tu es un pro de la radio et tu n'es pas quelqu'un, pas un monsieur tout le monde. Donc. Ouais. L'année. Du coup, à vous de réagir sur le Facebook de StudiQueb, hashtag leur média. Si pour vous, vous comptez déjà simplement aller voir aller voir le salon de la radio, vous informer si vous êtes fan de radio, tout simplement. Et dans moins de 5 minutes, l'actualité média sera vue en détail par Valentin, accompagné des audiences télé d'hier soir. Vous êtes nombreux à réagir avec moi sur le Facebook de StudiQueb, hashtag leur média. Je lis vos messages. Merci pour ceux qui ont passé à la fête d'ailleurs. Et tiens, il y a Amandine d'Angoulême qui accompagne son fils Jordan au foot. Ben, bonne chance à eux avec le froid qu'il fait. C'est pas simple. La suite en musique avec les DJ français d'Offenbach. Paradise sur StudiQueb. Back sur StudiQueb. Retrouvez-les l'année prochaine en France au festival Rock the Piste du 18 au 24 mars au domaine des Portes du Soleil dans les Alpes. Mesdames et messieurs, bonjour. Le journal des médias sur StudiQueb pour faire la synthèse de l'actu média à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux. On démarre comme d'habitude avec les audiences télé d'hier soir avec Pauline. Exactement. Hier soir, France 3 CIC en tête des audiences avec sa mini-série française Les Secrets portée par Claire Kem. Les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 3 millions de curieux en moyenne. Au coude à coude, M6 est deuxième en demi avec la demi-finale de la saison 13 de Son Talent Show. La France a un incroyable talent animé par David Ginola. Pour cette deuxième finale, ça vous avez rassemblé plus de 3 millions également de téléspectateurs. à jusqu'à 23h15. Troisième du podium, TF1 suit avec la finale de la saison 1 de sa série Les Chamois avec Isabelle Genia et François Berléland. Pardon. Les deux épisodes inédits de la soirée ont réuni 2,7 millions de fidèles. Côté TNT, TMC ici au 6ème du classement avec le lancement du magazine Martin Vell et les nouveaux gourous, présenté par Martin Vell lui-même, a réuni plus de 800 000 téléspectateurs. Suivi de près par C8 qui proposait ce soir-là The Patriarch, un film d'action de 2012 qui a réuni, lui, 700 000 téléspectateurs. Merci Pauline. Et toi, Valentin, quant à toi, tu t'es occupé donc du journal des médias et ça a été consacré essentiellement aux jeux télé et divertissement. Eh oui, tout est tombé là ce matin. On commence avec la saison 2 des Rois du Gâteau. Elle arrive lundi 31 décembre sur M6. Le format avait brièvement été testé durant l'été 2017. Les Rois du Gâteau, dès 18h pendant plusieurs semaines sur M6 pour prendre le relais d'Objectif Top Chef et Meilleur Repas de Fête. Le jeu sera animé par Cyril Lignac et par le maître chocolatier Frédéric Beau. Des pâtissiers amateurs s'affronteront pour que leur gâteau soit vendu dans la pâtisserie du plus grand chef. Avec une petite nouveauté cette année, une région sera mise en avant toutes les semaines avec 5 candidats. Un seul parmi eux sera le roi des pâtissiers dans sa région. On quitte l'univers des gourmands pour aller se frotter à l'aventure plein air. Vous aimez Koh-Lanta sur TF1 ? Eh ben vous aimerez aussi The Bridge, le trésor de Pantagonie. C'est le nouveau jeu de M6 présenté par Stéphane Rothenberg tous les jeudis à 21h. Le concept est importé d'Espagne. À la clé quand même 150 000 euros cash. Ça fait rêver, hein. Le principe du jeu, 8 hommes, 8 femmes envoyés dans un campement sommaire au bord d'un lac. Ils ont 17 jours pour construire un pont de 300 mètres pour rejoindre l'îlot qui se trouve au centre du lac et aller chercher un trésor d'une valeur de 150 000 euros. On referme ce journal des médias avec TF1 qui lance son nouveau jeu Big Bounce présenté par Laurence Boccolini. On en parlait hier avec Europe 1 et Quitte Europe 1, ouais. dans le débat. Laurence de retour sur TF1 accompagnée de Christophe Beaugrand et Anaïs Grand-Guejard, l'ex-présentatrice de Talent W9. Pour une course aux trampolines, les candidats devront rebondir de plateforme en plateforme, tout étant chronométré. Et franchement, c'est à partir du 4 janvier prochain sur TF1. Ça a l'air un beau programme original sur le trampoline. Et je vois que vous avez beaucoup réagi sur le Facebook de StudioQueb concernant le débat. Il y a Antoine de Troyes, par exemple, qui explique que lui, ça reste un bon moyen de s'informer des nouveautés technologiques en matière de réalisation. Et donc pour lui, ça paraît quand même assez important de l'avoir. On n'avait pas la chance d'avoir ce que vous avez, le Studex, et vous avez beaucoup de chance. Quand même, si on avait eu ça à l'époque, peut-être que je serais à votre place aujourd'hui, mais on avait les radios libres, c'est-à-dire que François Mitterrand a fait l'avènement des radios libres en 1981, et c'était une chance pour les jeunes habitants d'une ville de pouvoir exprimer cet art qui était la radio, et moi je me suis bien amusé, je faisais le matin. Je faisais de 6h à 8h30, oui, donc j'avais 18 ans, et après j'allais matinale, en cours, donc. Voilà, j'allais en cours après. Extrait de l'émission d'hier, pour clôturer aussi le journal des médias, c'est le passage d'Olivier Kefer qui est passé à StudioQueb dans leurs médias. Il nous a expliqué tout simplement, voilà, lui, comment il a commencé à travailler en radio. Olivier Kefer qui était le réalisateur, producteur de Star 80, oui. De la tournée et du premier film. Voilà. Oui. Donc, des informations sur Olivier Kefer, qu'on espère recevoir aussi l'année prochaine. Ah oui, il va revenir. Il nous a adoré, passer l'émission avec nous. Donc voilà, moi j'espère qu'on pourra aussi l'avoir, parce qu'on n'a pas, malheureusement, pas évoqué son avenir, ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Carrément. Tous vos hits préférés sont sur StudioQueb. This is Calvin Harris. StudioQueb. Salut, c'est DJ Snake. Studek Web. Studek Web. Une radio. À Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studek Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine. Écoutez Studek Web. Studek. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studek Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studek Web. Salut, c'est Pascal Gigot. Comme vous, j'écoute Studek Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Archlosberg, le directeur du conservatoire d'Issy Moulineaux. Et vous êtes sur Studek Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studek Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studek Web. Studek Web, les infos. L'actualité en 2 minutes 30 avec Guillaume Buan. Bonjour Guillaume. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Shérif C, principal suspect de l'attentat de Strasbourg hier soir, est toujours en fuite. Nous avons renforcé les dispositifs de sécurité sur l'ensemble des marchés de Noël. Annonce de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur cite notamment la mobilisation de davantage de militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Il a également rappelé lors des questions au gouvernement cet après-midi que pas moins de 720 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour retrouver l'assaillant. L'auteur de l'attaque terroriste sur le marché de Noël a fait 2 morts, une autre personne est dans un état de mort cérébrale. 13 autres personnes sont blessées. Il aurait crié, selon plusieurs témoins, « Allah Akbar ». 2 parents ainsi que ses 2 frères ont été placés en garde à vue, annonce du procureur de Paris Rémi Hetz. Des perquisitions ont également été menées par la police dans les lieux susceptibles d'avoir été fréquentés par l'homme. En bref, dans l'actualité, suite à l'attentat de Strasbourg, la motion de censure déposée par la gauche à l'Assemblée nationale sera bien votée demain. À partir de 16h30, les députés sont donc appelés à se prononcer. S'ils veulent destituer le Premier ministre Édouard Philippe, il faudrait au groupe réunir une majorité. L'Assemblée nationale comporte 577 députés, ce qui risque d'être compliqué au vu du contingent de la gauche, avec 62 élus au total. Les avocats sont en grève partout en France. Ils protestent aujourd'hui contre la réforme de la justice qui porte, selon elle, atteinte aux droits des justiciables. Des mouvements qui sont notables à Paris, Marseille ou encore Toulouse. Le groupe Air France a une nouvelle patronne. Anne Rigaille prend les commandes de la compagnie aérienne. Il s'agit d'une première pour le groupe. Elle prend donc la place du Canadien Benjamin Smith qui assurait l'intérim. Theresa May assure qu'elle se battra de toutes ses forces contre le vote de défiance, le vote qui doit justement se tenir à 18h30 ce soir. Si au moins 159 députés sur 316 conservateurs s'expriment contre la première ministre, elle sera renversée. Les voix seront comptées immédiatement après et le résultat sera annoncé vers 21h environ. Pour Paris, il n'y aura pas de négociation de l'accord, a-t-on annoncé. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé qu'il augmenterait par décret le salaire minimum de 22%, une annonce qui se fera à la suite du Conseil des ministres le 21 décembre prochain qui aura lieu à Barcelone. La météo pour votre fin de journée, les derniers rayons de soleil s'imposeront sur la moitié nord et l'est, les nuages seront toujours présents sur l'ouest et la moitié sud, la pluie sera également présente sur les Pyrénées, l'Occitanie ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les températures comptées entre moins 1 et 10 degrés, il fera moins 1 à 0 pour le nord, 7 sur la façade atlantique, 6 pour les Pyrénées et la maximale sera de 10 degrés pour Nice. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, retrouvez Corentin et toute son équipe pour leurs médias. Merci beaucoup Guillaume, prochain point sur l'info à 16h40. Dans quelques instants, avant 16h30, vous pourrez jouer avec nous, avec l'équipe et nous. On va jouer au C'est qui c'est quoi avec un extrait à découvrir. Je vous fais passer, je vous fais passer le premier extrait. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust en 1880 est venu à jouer au cerceau. Et cet espace est très célèbre dans le monde entier, déjà l'espace Cardin. C'est là où nous nous retrouverons. Voilà, je vous laisse. C'est Terminator. C'est pas Terminator. Valentin, c'est une première mauvaise réponse. Attention, beaucoup de mauvaises réponses, vous sortez du studio. C'est vrai ? Oui. Oh non. Bon, ça ce sera pour 16h30. En attendant, le retour de la musique avec Calvin Harris. Sweet Nothing. So I'll put my face mercredi ciné. Vive le cinéma! On est mercredi, c'est le jour des sorties. Aujourd'hui, c'est Pauline qui a fait la fouine et qui a regardé les films qui étaient à l'affiche aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, on commence fort en parlant d'araignée, ou du moins l'araignée la plus connue du monde, l'équipe Spider-Man. Spider-Man. C'est vieux ça, hein? C'est un peu vieux ça, ouais. Je trouve que c'est le son qu'on retient le plus de Spider-Man quand même. Alors que Avengers 4, Avengers, Infinity War semble être l'aboutissement des super-héros de Stan Lee, Spider-Man New Generation débarque et donne du neuf à la licence. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man New Generation qui redonne clairement un coup de frais à l'araignée dans un film version animée sous forme pop énergique, drôle et le tout avec une animation top mélangeant 3D et animation à l'ancienne digne des plus grands comics. Le film redonne donc naissance à un nouveau Spider-Man, Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s'efforce de s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs, un nouveau Spider-Man. Noté 4,5 sur 5 aussi bien côté presque téléspectateur, après visionnage de l'avant-première, je vous invite à foncer dans les salles obscures pour découvrir cette nouveauté tout simplement incroyable que moi, pour ma part, bah, j'ai tout simplement adoré. Vous pensez aller le voir, l'équipe, hein, ou pas du tout? Samedi, moi, ça y est, c'est calé. Clairement, plus, avec l'extrait que j'ai entendu, ça m'a fait beaucoup rire. Donc clairement, samedi, pareil, avec Valentin, on va y aller. Ok, bah, parfait. Autre film qui a retenu mon attention aujourd'hui, et mais dans un tout autre registre, Oscar et le monde des chats, un film d'animation de Gary Wang. Papa, on s'ennuie tellement enfermé ici. Dehors, c'est le chaos. Il fait très froid et ça fourmille de brigands. Mais j'ai envie de sortir. Je veux aller à Castopia. Le papa, on dirait moi. Un film trop mignon. Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d'appartement. Rêveur et croyant l'existence de Castopia, un monde merveilleux où les chats y vivent tout simplement en harmonie. Il décide un jour de partir à l'aventure. Rien à voir avec les araignées et les super-héros, vous avez remarqué. Un film pour les enfants, mais aussi pour les grands. L'approche de Noël que je conseille fortement. Disponible dans les salles dès aujourd'hui également. Eh ben merci de ton point très complet, Pauline, sur les sorties Corentin. Cinéma. Sur StudioQueb, dans moins de 2 minutes, donc j'avais sélectionné un extrait d'émission avec la voix de son animateur. Mon équipe devra trouver l'émission et l'animateur. Mais vous aussi, jouez, commencez à jouer sur les réseaux sociaux. StudioQueb, hashtag c'est qui, c'est quoi. Nicolas, Kenzie et Mehdi arrivent à 17h dans le GPS, le grand prime de StudioQueb. Pendant une heure avec eux, c'est détente. Ils reviennent sur d'anciens classiques de musique avec la Vinyl Story. Ce sera Night Dog. Kenzie donnera des destinations de voyage dans la boîte à gants. Chaque jour, ils mettent aussi en lumière un artiste. Aujourd'hui, c'est Demi Lovato, la chanteuse américaine dans plein phare. Et le cultissime Jeu de la marche arrière vous permettra de gagner votre pack StudioQueb avant 18h. Tout ça et bien plus, c'est dans le GPS de 17h à 18h sur StudioQueb. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission? Le C'est qui c'est quoi sur StudioQueb. Je vous en avais parlé, ce sera le C'est qui c'est quoi, donc la voix de l'animateur et l'émission à retrouver. On réécoute le premier extrait déjà entendu. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust, en 1880, est venu à jouer au cerceau. Et cet espace est très célèbre dans le monde entier, déjà l'espace Cardin. C'est là où nous nous retrouverons. Oula. Alors déjà, est-ce que vous avez une première idée? Pas du tout. Aucune idée. Du tout. Un humoriste, peut-être? Ce n'est pas un humoriste, non. Un homme de télé. C'est un homme de télé, oui, on fait une émission média, alors enfin, c'est pas forcément un homme de télé. Oui, c'est vrai. C'est un peu logique, mais c'est un homme de télé, effectivement. Très bonne question. Très bien. Alors, bon, déjà, on sait que c'est un homme. On va rester dans les années 80 par rapport à hier. Ça date, la première émission date de 1982. Ouais. Très bien. Au niveau de la chaîne, est-ce que ça serait pas Canal+ ? Non, ce n'est pas Canal+, et je vous propose d'écouter le deuxième extrait. Oui. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust en 1880 est mis à jouer au cerceau. Et cet espace est très célèbre dans le monde entier, déjà l'espace Cardin. C'est là où nous nous retrouvons. Ça nous aide pas beaucoup. Mais plus oui, l'espace Cardin. L'espace Cardin. Ah, vous êtes pas. Oui, pour... Et Marcel pas trop Proust. Alors, Marcel Proust l'utilisait quand il allait jouer au cerceau. Oui. Mais là, on l'utilise plus pour aller jouer. Enfin, on peut l'utiliser pour aller jouer au cerceau, mais l'émission. En soi, on n'y joue pas au cerceau. Non. Vraiment. Alors, bon. Je ne vois pas du tout. Mais, alors, c'est un sur petit indice, quoi. France 2. France 2. France ouais. 2, ok, on a la chaîne déjà. Un animateur emblématique de France 2. Bon. Donc. Dis-nous. Eh bien, on va voir, on va contrôler, enfin, on va pas contrôler, on va vérifier avec le dernier extrait. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Je l'ai. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau. Et cet espace est très célèbre dans le monde entier. Déjà, l'espace Cardin, c'est là où nous nous retrouverons. Donc, à l'honneur, Valentin. Votre réponse, Michel Drucker. Michel Drucker, l'émission Champs-Élysées. Et Champs-Élysées, la première de Champs-Élysées de 1982. Très très belle émission. Une très belle émission, 16 janvier 82. Alors, on voyait les stars arriver dans leur limousine. Mmh. C'était sorti, c'était tapis rouge, c'était samedi soir. Et comme il disait, ça faisait du bien après une semaine de travail. Et ça nous faisait rêver. Et ça faisait rêver, ouais. Effectivement. Ça, c'est, ils ont réessayé la dernière diffusion 11 mai 2013. Ça, a pas ça marché. N'a pas marché si bien que ça. Ah. Mais ça, pour les nostalgiques, ça leur a fait. Ils ont bien aimé quand même, ça a été bien reçu par rapport à la nostalgie qu'on pouvait avoir sur Champs-Élysées. Effectivement, Valentin, c'était de la télé. Oui. Oshi sur Sudekweb, son album est sorti en mars. C'est maintenant vendu à 100 000 exemplaires, donc l'un des titres phares, Femme à la mer sur Sudekweb. Fume le cigare comme une cubaine, le sandar rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je te vois, plus je me noie. Je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je crois qu'on est tout seul avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent. Je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser. Les démons m'invitent à danser. Chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir. Belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je te vois. Plus je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je crois qu'on est tout seul avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes sœurs pourront renaître. Deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je te vois, plus je me noie. au succès de son album sur Sudekweb au Chez Annonce un Olympia pour le 14 mai 2019. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Concentré. C'est juste un merde. L'heure média. Bonjour. C'est de 16h à 17h sur Sudekweb. C'est fini, je ne fais plus le clown, je parle sérieusement. On va repasser la parole à Barbara. Une année, un média, cette année, c'est aujourd'hui, pardon, c'est 2006 que Valentin a décidé de revisiter. Et s'il devait résumer une émission, il dirait Payette, musique et Patrick Sébastien. Aujourd'hui, c'est les années bonheur que tu allez, nous fais découvrir. Venez avec moi, je vous emmène dans les studios 128 et 129 de la Plaine Saint-Denis, le lieu du tournage des années bonheur. Et bonsoir à tous! Et bienvenue dans les années bonheur! Alors, les années bonheur, c'est quoi? Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Comment trouver les mots? Je vais vous les chanter. L'émission culte de la première partie de soirée le samedi sur France 2 et en simultané sur TV5 Monde. Depuis le premier numéro des Années Bonheur, le 16 décembre 2006, c'est Patrick Sébastien qui présente l'émission avec le Call Orchestra qui joue avec brio toutes les musiques. L'émission est produite par Magic TV depuis ses débuts, c'est la société de production de Patrick Sébastien. Les Années Bonheur, c'est la dernière émission télé du PAF à présenter des humoristes, imitateurs, chanteurs, magiciens aussi. Parfois oublié, mais pour la plupart du temps, des nouveaux talents. Je pense à Jeff Panaclock, Shirley Dino et bien d'autres qui ont été mis en avant grâce à l'émission. Petit clin d'œil à l'une d'entre elles qui cartonne entre la France et le Canada. On revient une dizaine d'années en arrière avec une jeune artiste imitatrice dans les années bonheur, Véronique Dicker. Tu imites des chanteuses françaises, entre autres. Oui. Et puis ta spécialité, c'est Céline Dion, mais on y reviendra. Et j'aimerais que tu nous expliques comment on peut imiter Vanessa Paradis. C'est quand même pas mal. Hein. Très belle imitation, ça. Ouais. Une très bonne imitatrice. C'est Patrick. Merci de m'éprendre. C'est Patrick Sébastien qui l'a découverte. Voilà. Les invités des Années Bonheur sont assis autour d'une table recouverte de disques vinyles. Tout autour, Willy Rovelli, Élodie Gauchin, qui a d'ailleurs été remplacée par Sophie Talman, la Miss France 98. Exact. Et qui vient de notre école aussi, Willy Rovelli, promo 94. On t'embrasse, hein, Willy. Et l'humoriste Didier Gustin. Présent à chaque émission depuis quelques mois. Au total, 2,24 millions de téléspectateurs présents sur France 2 le 6 octobre dernier. C'était le dernier volet diffusé de Des Années Bonheur. Les Années Bonheur. Champion du... Si l'on chantait, si l'on chantait. Vous pouvez trouver ça nulle part ailleurs. Ça va être juste magnifique. Voilà. Les Années Bonheur, c'est pas de la télévision, c'est du spectacle. Mais depuis plus d'un an, Patrick Sébastien est sur la sellette. C'est acté, il s'en va là à la fin octobre. C'est acté à la fin octobre, c'est vraiment une bien belle émission. C'est dommage que Patrick Sébastien s'en aille. Les moments de télé que vous avez ratés hier, c'est dans Zap TV avec Valentin. Ça arrive tout de suite après. Studec Web, les infos. Et le flash présenté par Anthony Kaczmarek. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Venez à Strasbourg, continuez à vivre comme vous viviez avant. C'est l'appel cet après-midi de l'adjoint au maire de Strasbourg qui refuse, je cite, le diktat des terroristes. 720 policiers et gendarmes sont mobilisés actuellement pour retrouver le suspect de l'attentat d'hier soir. La sécurité a été renforcée sur tous les marchés de Noël en France. Dans son périple meurtrier, trois personnes, des citoyens, ont tenté d'interpeller l'assaillant et l'une d'entre elles a été blessée à coups de couteau. Ce matin, le procureur de Paris, Rémi Heitz, a précisé que des témoins avaient rapporté aux enquêteurs avoir entendu le suspect crier « Allahu Akbar » avant de perpétrer ses actes. Le suspect, 29 ans, né et résident à Strasbourg, est toujours en fuite depuis hier soir 20h. Fiché S, son casier judiciaire comporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis en France mais aussi en Allemagne. Ses parents et ses deux frères ont été placés en garde à vue. Le bilan, toujours provisoire de l'attaque, fait état de deux morts, une victime en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 7 en état d'urgence absolue. Les deux victimes décédées sont un touriste thaïlandais et un père de famille strasbourgeois. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est arrivée sur place pour se rendre au chevet des victimes. Le marché de Noël de Strasbourg, lui, est resté fermé aujourd'hui pour raison de sécurité. Dans le reste de l'actualité, une grève totale des avocats aujourd'hui pour une journée justice morte. Ils protestent contre la réforme de la justice portée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ils dénoncent un projet déshumanisant pour les mineurs, ainsi que la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. La mobilisation est massive, notamment à Marseille, à Lyon et à Nantes. Enfin, à Londres, Theresa May est sur la sellette. Elle affrontera ce soir un vote de défiance organisé par son parti conservateur, dont certains membres s'opposent à l'accord sur le Brexit. Selon un décompte de la BBC, la première ministre britannique pourrait être gagnante et dans ce contexte, la livre monte face à l'euro et au dollar. Ce soir, Paris avertit qu'en cas de rejet du texte à Londres, il n'y aura pas de renégociation de l'accord sur le Brexit. Votre météo pour ce soir, le temps sera plutôt clair sur tout le pays, sauf sur le flanc ouest où des nuages pourront lâcher quelques gouttes. Attention aux brumes et aux brouillards sur le Grand Est et près de la Garonne. Les températures seront en baisse, moins 2 à 6 degrés au nord, moins 1 à 9 pour la moitié sud. Il fera 2 degrés à Lille et à Paris et 5 pour Marseille. Prochain point sur l'info à 17h avec Guillaume Buan. Tout de suite, c'est le retour de l'heure média avec Corentin Magnier et toute son équipe, c'est bien sûr sur StudecWeb. Merci beaucoup Anthony. Studec, 100% nouveau, 100% radio. Rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur StudecWeb. Le Zap TV, c'est votre moment où l'heure média, où on en décortique le meilleur passage du petit écran de la veille. Aujourd'hui, c'est Valentin qui a pris la télécommande. Et oui, et dans le Zap Télé aujourd'hui, on va remixer un peu le discours d'Emmanuel Macron de lundi soir dernier. C'était sur TMC dans Quotidien avec Yann Barthès. Ça m'a marqué, comme quoi, bah, on peut peut-être rire de tout quand même. Alors hier, le discours d'Emmanuel Macron a fait encore plus d'audience que la finale de la Coupe du Monde. Et ben, on pense que les commentateurs de beIN Sport auraient aussi pu commenter son discours. Française, français. Il est à la maison, il joue à la maison. Là. Il a envie. Nous sommes à un moment historique. On sent que le mec, il a encore bossé. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Il faut envoyer mon ami. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Il faut envoyer une bombe. Il faut envoyer une bombe. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. C'est peu. C'est très peu. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt. Charge. Oh là là, l'offrande, mais le cadeau! Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Mais non! Oh le magicien! Oh le magicien! Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt, ni charge. Gérard Majax! Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Voilà ce qu'on disait, c'est le moment fatidique, là, on est en plein dedans. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Mais non, il est pas sérieux. C'est incroyable. Mais comment il peut faire une faute comme ça? Bon, on sous-estime pas quand même ce qui se passe, mais petit trait d'humour, oui, ça fait toujours plaisir. Dernier passage marquant de la télévision hier soir avec Martin Veil et les Nouveaux Gourous, magazine télé inédit où on a pu partir à la rencontre des nouveaux maîtres à penser. Idée originale quand même qui a rassemblé 860 000 téléspectateurs hier soir sur TMC, 5e position des audiences. Et parmi ces nouveaux gourous, ceux qui apprennent aux hommes à redevenir des durs. Voilà, Martin Veil a également passé un week-end au Brésil avec un homme prétendant être Jésus, c'est possible, et un autre gourou qui prétend être un donneur d'orgasme. Lui, c'est Satya. Il est danois, c'est le gourou du point G. Pour 250 dollars, il arrive à faire jouir ses clientes sans les toucher ou presque. Et si vous n'êtes pas pudique, dans ces stages, vous pouvez également atteindre le 7e ciel à plusieurs. Alors, quand on sait que 8 Françaises sur 10 déclarent ne pas atteindre l'orgasme, oui, Satya a de beaux jours devant lui. C'est original, non? Comme idée de documentaire. C'est original. T'annonces ça comme ça, on se sert de rien. On se dit, bah oui, c'est très original. Mais là, ça voilà. Permet d'aller au plus profond des gourous, si voilà. Je peux me permettre. Et bravo, Martin Veil. Exactement. Au plus profond de sa chronique. Cette semaine, c'est passé un peu inaperçu. La COP 24, la COP, justement, pour l'environnement, ben, ça a donné ça. Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. La banquise mondiale fond à une vitesse record. Ce réchauffement pourrait augmenter d'un et demi à 6 degrés au cours du prochain siècle. Les conséquences sont déjà dramatiques. Si l'ours disparaît, à terme, je le dis, l'être humain disparaîtra. Sacré nom d'une pipe. Chaque nation, en effet, apporte ses conceptions originales à la poursuite du but commun. Hey, c'est Caro. Vous savez, du coup de boost de 14h à 15h sur Studek Web. J'ai enfin réussi à me débarrasser de Pierre et Julien pour le moment, mais ils seront avec moi demain, je vous rassure. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un ou deux doses qui sortiront sur les garçons dans le dose du jour. Caro ! Ah, attendez, je crois qu'ils m'ont retrouvé. Bon bah je vous dis à demain les copains, et surtout loupez pas ça, c'est Julien qui prend les commandes demain. Autant vous dire qu'avec lui, ça peut déraper à tout moment dans le coup de boost de 14h à 15h sur Studek Web. Le journal du Zap, ça s'est passé. Oui. Maintenant, à la télé ce soir avec Pauline qui a piqué la télécommande de Valentin pour nous dire ce qu'il a regardé ce soir. Exactement, commençons par TF1 qui mise ce lundi sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Au épisode prévu de l'épisode 7, saison 1, adaptation du roman policier de Joël Dicker, qui est jusque-là un succès total sur TF1. Si jamais vous aimez le roman, vous allez forcément aimer la série. Pour M6, on y retrouve Stéphane Plaza avec Maison à vendre. Toujours un grand succès, notre produit immobilier préféré tentera ce soir de vendre une maison de 500 mètres carrés et 2 hectares de jardin. Wow. Un défi que vous pouvez retrouver ce soir, donc, à 21h. Sur France 2 ce soir, c'est Mystère au Louvre, épisode spécial de la série trailer Mystère à Paris. Elle nous fera découvrir ce soir une voleuse du nom de Mercure, interprétée par Alice Taglioni, qui a pour but de voler le musée du Louvre. Résultat du mystère à 21h, donc sur France 2. Côté TNT, C8 mis sur un documentaire événement, on en parlait juste avant, la planète est-elle vraiment foutue ? Ouragan, sécheresse, inondation, feux gigantesques, fonte des glaces, la planète est attaquée de toutes parts depuis le mercredi 2 août 2018. L'humanité vit à crédit. À cette date, elle a consommé en seulement 7 mois toutes les ressources que la Terre pouvait produire en une seule année. Documentaire qui nous fait réfléchir et très instructif, sur les modes de vie à prendre pour prendre soin de la planète à 21h sur C8, donc tous sur C8 à 21h. Sur une note plus joyeuse, TMC diffuse à 21h Burger Quiz. Prenez une bonne dose de déconne, quelques gouttes de sous-culture et une pincée de répartie servie par des invités triés sur le volet et vous obtenez la recette de ce jeu délirant. Deux équipes composées d'un candidat et de deux guests s'affrontent. Le célèbre Burger Quiz, donc à 21h sur TMC. Finissons avec un film sur énergie douce, Jurassic Games, film de Ryan Bellegarde. L'histoire de Anthony Ducker, père de deux enfants, a été condamné pour le meurtre de sa femme, mais il a toujours clamé son innocence. Il espère remporter le jeu pour retrouver sa liberté. Merci beaucoup, Pauline, de ces informations pour ce qu'on a regardé à la télé ce soir. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Concentré. Les jeux d'emmerde. L'heure média, bonjour. C'est de 16h à 17h sur StudecWeb. C'est fini, je ne fais plus le clown, je parle sérieusement. On va repasser la parole à Barbe. À la télé ce soir, c'était fait par Pauline, mais les petits malins de la technique vont vous faire jouer aussi. Ils ont choisi des petits extraits, des petits génériques cultes. Aujourd'hui, c'est axé sur les jeux de télé. T'as pas la machette. Je te voyais bouillir. Alors, envie de le dire. Interville. Moi, j'ai jamais vu. Vous avez vu déjà à Angers, je vois à Angers ou en Savoie, ils sont passés par chez vous. Moi, ils sont jamais venus vers chez moi. Je suis un peu. Non, un peu jamais. Déçu. Je sais pas pourquoi, j'ai une émission dans la tête. Je me souviens de Saint-Quentin qui était à fond, genre la ville de Saint-Quentin. Ouais. Genre, mais à chaque fois, ils gagnaient. Je comprenais pas. Genre, Interville, Saint-Quentin, c'était les pros. Les meilleurs sportifs d'Interville. Ça m'a marqué toute mon enfance. C'est vrai que c'est une émission marquante. Il y avait Dax aussi qui gagnait souvent. Ah oui, mais Saint-Quentin et Axe, là, tac. Les villes faites pour Interville. Donc, Interville, premier extrait, on écoute le deuxième extrait qui va nous faire deviner. Je prends l'appel à un ami, moi. J'en étais sûr. Je t'ai vu réfléchir à ce que t'allais dire. Oui. On a évidemment, vu des conneries question, pour un, question pour un champion. Bah oui, bien sûr, question pour un champion. Bah oui, bah oui, qui veut gagner des millions? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je me suis trompé, ça peut arriver. Voilà, j'ai pensé à Julien Lepers et au final, c'est. Oui, mais qui veut gagner des millions? Encore une fois, tout mon enfant. Jean-Pierre Foucault. Moi, j'avais pas le droit de regarder. Mais pourquoi? On m'interdisait de regarder qui veut gagner des millions. Un jeu d'argent. Peut-être. J'ai jamais eu la réponse, mais je regardais jamais. Et c'était pas l'heure pour mes parents, c'était pas l'heure de jouer, de gagner des millions. Visiblement, ça les intéressait pas de vouloir gagner des millions. Bon, écoutez, soit mes parents. Belle anecdote. Merci, Corentin. On écoute le troisième extrait. Bon, Valentin, t'es où là? Là, t'as pas l'air d'avoir trouvé de blague pour une fois. Non, j'avoue, je sèche un peu là. Mais juste pris. T'as moi, je l'ai dit. Non, j'ai pas reconnu. Non. Vraiment pas? Non, vraiment, ouais. Mais je juste pris, voyons. Juste pris, émission. Vincent Lagaffe, il me semble. Vincent Lagaffe, il connaît l'animateur, mais il connaît pas le nom de l'émission. C'était beaucoup plus vieux que Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe l'a animé récemment. Mais avant, c'était réanimé. Je crois que je vais pas te dire de bêtises, mais c'était un autre. C'était animé par un autre animateur. C'était toujours sur TF1, mais c'était assez. Je crois que en plus Nicolas, il me vient encore comme un sauveur. Oui, Nicolas. C'était Philippe Risoli, je crois. C'était Philippe Risoli, présentateur. Oui, maintenant que tu le dis, c'était Philippe Risoli. C'est le présentateur de Juste Prix. Tu vois, j'arrive direct. Tu regardais Juste Prix, toi, ou pas? Moi, je regardais avec la gaffe, c'était trop bien. Il y avait aussi, comment il s'appelait, il y avait les gaffettes et tout, c'était génial. Oui, c'est vrai qu'ils étaient en toi, les gaffettes. Oh là là. Tu regardais plus les gaffettes que la gaffe. Je regardais plus que Vincent Lagaffe, c'est sûr. On est d'accord. Justement, t'es là pour le GPS. Ouais, le GPS qui arrive dans quelques minutes sur Studek Web. Avec ce soir encore beaucoup d'actualité, les voyages de Kenzie qui va. Exactement, il va vous dire où c'est, de quelle destination aller pendant les fêtes. Ça m'intéresse. Belle idée de Kenzie. Le vinyle. Vinyle Story sur Nate Dogg, c'est un des rappeurs légendaires des années 90. Exactement. Et il y aura Mehdi dans son plein phare qui va vous parler d'une artiste qu'il adore. Je vous dis pas qui, faudra écouter. On écoutera. C'est promis. Valentin, Pauline, je vous remercie d'avoir été présent encore avec moi aujourd'hui. La technique, Thomas et Victor aussi, vous avez encore fait du très bon travail. Et nous, on se quitte sur des chansons de Noël, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est quand même le thème. Bah, on est pas mal, ouais. 12 décembre. 12 décembre, je pense que c'était le moment J-13. De mettre Justin Bieber avec Mistletoe. Bonne soirée sur Studek Web à l'écoute du Drive GPS. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you. Led me to a miracle, hey, love. Don't you buy me nothing? Don't you buy me nothing? 'Cause I am feeling one thing: your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. Stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.